Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson, je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage. Le confort, je veux pas, mal à longue, il me manque. Je rêve d'un coffre-fort, je le résume à braquer une banque, moi sans glacer. Gelé par l'adrénaline, me donne froid dans le dos. Chaque fois que ma vie se rajoute une ligne, je pète les plombs. Ivre mort, je sors mon gun à plomb. Persuadé que pour le crime, ce jour, j'étais d'aplomb. Jacket, kaki, cagoule et frustré. Et c'est l'envie de la facilité qui m'a trop trahi, trop stressé. Je braque le gun à la première occasion, je lui dis file-moi le blé. Sinon, je te fais sauter le caisson à ce moment même. J'ai placé le canon sur son iris, ma main tremblait. Sans faire gaffe, mon index glisse, la balle s'évade et va se loger dans sa pupille. Je lui ai crevé l'œil, pauvre vieux, il pleurait accroupi. Puis le cri d'un chat. Je dis putain, salaud, tu m'as reconnu. J'ai dû l'achever à coup de crosse, il bougeait plus, je suis resté ému. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage, opération commando, CIA, GIGN, poignard dans le dos. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage. Opération commando, CIA, GIGN, poignard d'alto. J'ai trop tardé, j'aurais dû me contenter d'y ramener. V'là que les voitures blanches, gyrophare bleu qui se ramène. Je m'aperçois aussi qu'un mode VHS m'enregistre à preuve irréfutable. Quand j'affronterai le magistrat, j'ai jeté mon gun. Mes branches étaient prises dans le fil et putain là j'en chie. Et même vivant ma vie défile et mes yeux rouges presque en sanglots. Je me suis méprisé, sachant que j'ai perdu du temps. Plus que j'en ai misé, j'étais frustré dans ma peau. Comme un jeune lépreux à ce moment, je voulais une Bible, même écrite en hébreu, juste pour la poser sur mon cœur et demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait sur terre et qui aurait pu être Dieu. Je vais dire que j'ai regrette. Tu vas me dire qu'il est trop tard. Si j'ai armé la gâchette, c'est que j'en avais plus que marre. J'ai rongé mes ongles jusqu'à voir le sang émerger dans une cellule où le nauséabond se bat submergé. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage, opération commando, CIA, GIGN, poignard dans le dos. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage, opération commando, CIA, GIGN, poignard dans le dos. J'ai pensé m'échapper de cette base, j'appelle Alcatraz. Oui, mais impossible, préférant m'exploser au gaz ou m'évader, même au péril de ma vie. Mais c'est pas aussi simple que de presser sur Nevi. Pour ça, fallait longer les tuyaux. 50 cm de large, 500 mètres de long. Si je le fais, je suis un bar, je l'ai fait. Rien pour voir la couleur du saumon et oublier cette odeur diarrhée qui a tué mes poumons. Chaque jour, je changeais de planque. Mon lit était un carton, ça m'arrivait. Qu'un vieux barbe grise me dise pardon. Cucla, c'est ma plage, j'étais devenu SDF. Et de mon ancien appart, je n'avais plus la CLEF. J'ai joué guitare, accordéon et harmonique à tous les tubes de Dion et toutes les mélodies d'Erika. Fierté oblige, pour rien au monde je me serais rendu. C'est à 40 ans que sous un pont les flics m'ont retrouvé pendu. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage, opération commando, CIA, GIGN, poignard dans le dos. Si rien ne va plus, clic, clac, Smith et Wesson. Je remplis le barillet, puis je dépouille quelques personnes. Prise d'otage, opération commando, CIA, GIGN, poignard dans le dos.